Après le sauvé, on pensa au sauveur. À 50 pas du Rio, un homme d'une stature très élevée se tenait immobile sur un des premiers échelons de la montagne. Un long fusil reposait à ses pieds. Vêtu, à la façon des patagons des frontières, l'indigène portait un splendide manteau décoré d'arabesques rouges. Le major, dès qu'il eut aperçu, le montra à Glenarvan qui courut à lui. Paganel, qui croyait avoir appris l'espagnol avec ses livres, lui parla en fait en portugais, mais connaissant l'espagnol, il put échanger quelques mots avec l'indigène. Le patagon se nommait Talcalve, mot qui dans la langue araucanienne signifie « le tonnant ». Le patagon était guide de son métier et guide des pampas. Cependant, les voyageurs et le patagon étaient retournés auprès de Robert. L'indigène alla cueillir sur les bords du Rio quelques poignées de céleri sauvage dont il frotta le corps du malade. L'enfant sentit ses forces renaître et il fut évident que quelques heures de repos suffiraient à le remettre. Ce guide, habitué à conduire les voyageurs le long des frontières patagones, se chargea de fournir à Glenarvan tout ce qui manquait à sa petite troupe. Il lui offrit de le conduire à une toldería d'Indiens, distante de 4 000 au plus, où se trouveraient les choses nécessaires à l'expédition. Glenarvan et Paganel, prenant congé de leurs compagnons, remontèrent le Rio sous la conduite du Patagon. Ils marchèrent d'un bon pas pendant 1 heure et demie et à grandes enjambées pour suivre le géant Talcalve. Toute cette région andine était charmante et d'une opulente fertilité. Jacques Paganel marchait d'admiration en admiration. Il se croyait à peine parti que le campement des Indiens s'offrait à sa vue. Cette toldería occupait le fond d'une vallée, étranglée entre les contreforts des Andes. Là vivaient, sous des cabanes de branchages, une trentaine d'indigènes nomades, paissant de grands troupeaux de vaches laitières, de moutons, de bœufs et de chevaux. Ils allaient ainsi, d'un pâturage à un autre, et trouvaient la table toujours servie pour leurs convives à quatre pattes. Talcalve se chargea de la négociation. En échange de ces petits chevaux, de race argentine ou harnachée, d'une centaine de livres de viande séchée, de quelques mesures de riz et d'autres de cuir pour l'eau, les Indiens, à défaut de vin ou de rhum qu'ils eussent préféré, acceptèrent 20 onces d'or, dont ils connaissaient parfaitement la valeur. Glenarvan voulait acheter un 8e cheval pour le Patagon, mais celui-ci fit comprendre que c'était inutile. Ce marché terminé, Glenarvan revint au campement en moins d'une demi-heure. Chacun mangea avec appétit. Robert prit quelques aliments, ses forces lui étaient presque entièrement revenues. La fin de la journée se passa dans un repos complet.